Les martyrs qui ont réalisé de grands mérites pour la liberté et l'indépendance de la patrie et l'accomplissement de la cause de Songun viennent d'être installés au cimetière des martyrs qui ont participé à la guerre de libération de la patrie à l'occasion de la fête de la victoire dans la guerre. Les héros de la République, Yun Hee-chun et Lee Hong-gyu, avaient abattu beaucoup d'avions ennemis dans la dernière guerre de Corée, dans le cadre du mouvement du groupe des chasseurs d'avions. Il y a aussi le héros Cho Myung-soo qui, en tant qu'agent de sécurité de l'arrondissement d'Ongjin, a arrêté pendant la dernière guerre plus de 420 espions et éléments hostiles et capturé toutes sortes d'armes et de munitions. Les cérémonies d'installation des dépouilles des martyrs ont eu lieu le 19 courant au cimetière des martyrs qui ont participé à la guerre de libération de la patrie.